Salut, comme tous les dimanches, à partir de 21h et jusqu'à très tard le soir, c'est Lost in Space qui revient cette semaine avec encore un nouveau programme. Demain, en plus, jeunes gens, c'est la fête des travailleurs, donc normalement, vous n'avez pas besoin de vous lever pour aller travailler, à moins que vous soyez vraiment dans un domaine d'activité trop injuste. C'est donc la fête des travailleurs qui a été créée donc il y a quelques années, maintenant presque un siècle, en hommage à des manifestants anarchistes américains tués. Ça n'a donc strictement rien à voir avec Jeanne d'Arc et d'autres conneries de ce genre-là. Allez, bonne soirée, on attaque avec Alerta Roja, immédiatement un peu de punk pour démarrer la soirée. Peu de reggae à l'instant sur Lost in Space. On a eu Al Brown qui nous chantait un super morceau. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il, super morceau? C'était Skin Flesh and... Enfin non, Here I Am, Baby Come and Take Me. C'est du vraiment du Trojan reggae de la meilleure espèce. On va continuer en musique avec du rock de la très bonne espèce aussi, c'est-à-dire les Ramones qui vont nous chanter Kill That Girl. Le tout va être entouré pendant quelques minutes d'extraits d'un magnifique polar qui s'appelle Homicide Special, un polar très réaliste sur la vie des flics de Los Angeles. Allez, c'est parti. You jumped down in after all of the fear, and then I knew it was the end of us. No. It's gonna come back up. It's gonna come back up. It's gonna come back up tonight. You jump down in out or off the feet, and then I knew it was the end of us. Let's get up here. Standing on the floor. 45 little bit more. Les photos de la scène de crime forment un contraste tranchant. Ensanglantée et défigurée, Luda est allongée sur le dos, sa robe de soie blanche ouverte, la ceinture mollement nouée autour de la taille. Sa tête est encadrée par une paire de talons aiguilles. Du sang coule de sa bouche. Des ecchymoses violacées couvrent son visage. Ses lèvres sont plissées, dessinant une grimace légère, comme si elle attendait d'autres coups. Un assemblage hideux de contusions rouges, violettes et roses se déploie sur son visage entier. Elle a les deux yeux complètement noircis. Screams of people who wanna be me. they want to shave my tongue and tell the others that they were the ones who made me. Who made me? I got called an anarchist. That's for the middle class train spotters. I don't want my dog on a string. That's gonna hurt the thing. We got jobs and a mortgage clan and a car with a smoky window, Dan. Blow to your life and lobby right up. It don't make sense, I know, look. The dinosaurs are stuck on Denmark Street. The boots of Hendrix lick my feet. I'm not bothered, I never was. Here's a crap caravan on Tiz was. The dinosaurs are stuck, no way to get down. The meteor sinks its teeth in the ground. I'm not bothered, I never was. Here's a crap gag from Spit the Dog. Cameron's hairdresser got an MBE. I said to my wife, you better shoot me. It's all gone, what do I do? Tell my daughter it's not true. Tell my daughter it's all gone wrong. Pig tongue, pig tongue, pig tongue. Get out the mood, dog race. Get out the way. Get out the mood, dog race. Get out the way. The dinosaurs are stuck on Denmark Street. The boots of Hendrix lick my feet. I'm not bothered, I never was. Here's a crap caravan on Tiz was. The dinosaurs are stuck, no way to get down. The meteor sinks its teeth in the ground. I'm not bothered, I never was. Here's a crap gag from Spit the Dog. Sur son cou, sa joue et son profil, on distingue les balafres, trois lignes horizontales décrites par Coffey. Des filets de sang serpentent de son téton gauche jusqu'à son épaule. Son profil gauche, de la bouche à l'oreille, est barbouillé de sang. Une prise de vue transversale révèle un papillon rouge et vert tatoué dans le bas du dos. Quelqu'un voulait vraiment l'avoir crevé, dit McCartin. Il lui a explosé la gueule et puis lui a donné le coup de grâce. Ça pourrait être mère, à ton avis ? Il s'est débrouillé pour être dans l'appartement la veille du meurtre avec son cousin. Et, écoute ça, une autre de ses filles a été découverte démembrée dans une bouche d'égout. McCartin lève les yeux. On a affaire à un tueur en série ? Knowles scrute les photos de la scène de crime et ne répond pas. Ils ont relevé toutes les putains d'empreintes dans l'appartement, demande McCartin. J'espère que oui. Le concierge de l'immeuble a cédé l'endroit ? J'en sais rien, dit Knowles. C'est bien pour ça que je veux pointer mon cul là-bas. Carry on. Luda habitait un appartement luxueux perché au-dessus d'une rue étroite et sinueuse, dans un immeuble de plâtre blanc. Palmiers et bananiers déploient leurs ombres sur ce somptueux complexe résidentiel, bordé de géraniums roses, de mufliers pourpres et rougeâtres, d'azalées blanches et d'oiseaux de paradis au plumage orange et bleu. L'immeuble est situé à San Fernando Valley, une ville séparée d'Hollywood par les collines d'Hollywood Hills. Le nom du quartier Studio City rappelle le rôle qu'il a tenu dans les débuts de l'industrie du cinéma. Au milieu des années 1920, non loin de l'appartement de Luda, un champ de laitue avait été transformé en studio par Mark Sennett, qui réalisait les comédies de Keystone Cops à l'époque du muet. Journalist, that's what you're more for. Il y a un digicode à l'entrée de l'immeuble, c'est la concierge qui ouvre aux inspecteurs. Avant d'atteindre l'ascenseur, il passe devant l'entrée de la piscine où quelques jeunes femmes prennent le soleil sur des chaises longues. Un groupe d'hommes bavarde dans le jacuzzi. C'est typiquement le genre d'après-midi caniculaire dans la vallée, 35 degrés, des lambeaux de nuages qui flottent au-dessus d'un horizon crépusculaire et pollué. Mais aux yeux d'une femme qui fuit la pauvreté et le désespoir de l'Ukraine, se dit Knowles, une telle journée d'été autour de la piscine doit paraître idyllique. Would you be willing to tell us who your favorite bands are? Nirvana, Jesus and Mary Chain, Thrill Kill Cult, Sonic Youth, Wayne, Jesus Lizard, Robert Smith is God, Smashing Pumpkins. Do you think these songs have in any way affected your values or the way you live your life? It's just music, man. We just listen to the music, that's all. This was so much easier. So much easier last night. And it was so much bigger when it existed in my mind. Thank you. concierge semble prise de nausée devant la porte de l'appartement de Luda au deuxième étage. « Il faut que j'entre ?» demande-t-elle. Knowles secoue la tête. Elle sort un jeu de clés, ouvre la porte et se sauve dans les escaliers. L'appartement est aussi stérile qu'une chambre de motel. Pas de photographie au mur, pas d'objet de décoration, aucune touche personnelle. Les meubles de base, standard, ont l'air tout droit sortis d'un magasin Ikea. Les comptoirs blancs de la cuisine et de la salle de bain, les meubles blancs du salon et de la chambre sont maculés de traces de doigts imprimées sur une pellicule de poussière. L'unique objet personnel dans tout l'appartement est posé en évidence sur la table de chevet. Il s'agit d'une photographie de la fille de Luda dans un petit cadre argenté. Elle porte un maillot de bain à rayures bleues et blanches et gratifie l'objectif d'un grand sourire. We'll be right back. pour Nolson, la victime n'était jusque-là qu'une pute russe sans visage. Mais il sait maintenant qu'elle avait une petite fille et qu'elle se battait pour la ramener aux États-Unis. Luda Petushenko est devenue une femme en chair et en os et Nolson se sent déterminé à retrouver son meurtrier. My fair weather friend, but he's beyond now, who's still abused. My fair weather friend. Les inspecteurs examinent l'archipel formé par les taches de sang à quelques centimètres du lit. Les souillures rouges sont presque fluorescentes dans le décor blanc de l'appartement. Ils passent ensuite aux éclaboussures de sang qui se trouvent sur le mur à mi-hauteur d'homme. McCartin retrace le chemin présumé de la douille et se dirige du côté droit du lit. Les douilles tombent généralement à droite. Just a night shift cleaning the streets. That was the breeze. Hold it! Freeze. son? Police car. What you doing around here? Police car. I want a word with you, boy. Because I know your face. And I know your race. And I know your game. So I'm taking you in, son. Ce mec devait être sacrément furax pour s'acharner sur elle comme ça, dit McCartin, comme s'il pensait à voix haute. Qu'est-ce qui peut bien mettre quelqu'un dans une rage pareille ? Knowles observe une fente dans le plafond de la chambre. Je vérifie à tout hasard si elle ne filmait pas pour faire chanter ses clients ensuite. Il ne décèle cependant aucune trace de caméra. Vous êtes bien sur le 100 FM Radioactive, Lost in Space. À l'instant, on a eu The Fall avec Tough Life Boogie. Et c'est le retour maintenant de nos rubriques récurrentes, et l'une des plus récurrentes en quelque sorte, c'est celle des Slits, donc l'histoire des filles atypiques que l'on attaque immédiatement. Don se rappelle, un ami à moi, Andrew Chesowski, a ouvert le tout premier lieu consacré au punk rock, le Roxy dans le West End, et m'a demandé d'y être DJ. Il pouvait voir la réaction des gens du fait que je passais du reggae dans le magasin. Right, okay, okay. Hi, I'm Don Letts, filmmaker, DJ and broadcaster. I first became sort of fashion conscious with the first movement of the Skinheads. And then morphed from sort of skinhead to soul boy, and then mid to late 70s, the whole punk thing exploded. It showed you a way that you could get involved, that you could actually be part of a subcultural movement, besides just being a fan. Well, I've been wearing Fred Perry for ages, but I was approached by them last year to do something for their 60th anniversary. We both came up with the idea of doing a documentary on the history of British youth subcultures. For many of us, and it's not just a black thing, it's a working class thing particularly, you know, the clothes that you had on your back were the only way that you could create an identity. I think the reason subcultures have been so prevalent in this country, there's several reasons actually. I mean, one of them is the fact that England is effectively a tiny island, so it's possible for ideas to spread really quickly. And also the story of multiculturalism. I'm first generation British born black, so at home I had all that Jamaican stuff, but at school, you know, I'm getting the Beatles, I'm getting the Stones, I'm getting Led Zeppelin. It kind of gave me this weird duality, which back in the early 70s, which was a really confusing concept. And it wasn't until, I don't know, maybe the mid 80s that being black and British actually began to mean something. It's made me realize that it's through understanding our differences that's actually brought us closer together. And it's funny because I think in the 21st century, where those identifiable youth, style-driven youth movements have kind of disappeared. I've got a 25-year-old son and a 21-year-old daughter, and they've told me that, Dad, things are so hard these days that, you know, they think it's more important to get their heads together rather than their hairdos. And I can sort of dig that. It's all about new values. In the 21st century, you know, if you want to be on MTV, if you want to walk on the red carpet, you know, how radical can you be? But the minute you say, you know what, I don't want that, the internet's there now, it's made it possible for me to achieve my goals in other ways. And the minute you realize that and you have these new values, the world's an amazing place, man. What have I learned from doing the Fred Perry Project? I've learned that I'm as old as rock and roll. I've learned that being young ain't what it used to be. And you know what? I wouldn't swap my journey for anything. Je n'avais encore jamais été DJ, et comme c'était vraiment au tout début du punk, il n'y avait pas de disque de punk à passer. Que devais-je faire? Je mettais les trucs que j'aimais, du reggae dub hardcore. Heureusement que les jeunes punk rockers blancs en puissance ont capté l'affaire. Ils ont piché le fait que c'était anti-establishment, que les paroles avaient du sens. Ils aimaient les lignes de basse et l'herbe ne les dérangeait pas. Il y a donc eu un réel échange culturel. People going here, people going there, people going out, people coming in, people talking this, people talking that, people talking about the everyday is chat. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. Look at those people over there, waiting on the bus, waiting on the train, trying to get a home out of the rain, trying to get to work so they'll get their pay. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. People going here, people going there, people going out, people coming in, people talking this, people talking that, people talking about the everyday chat. It's a jam right out there in the street. nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. People going in business, people going on pleasure, people going on their own leisure, people going there, people going here, people talking this, people talking that. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. It's a jam right out there in the street. Look at those people over there, waiting on the bus, waiting on the train, trying to get a home out of the rain, trying to get to work so they'll get their pay. It's a jam right out there in the street. Nothing to buy, nowhere to go, or nothing to eat. Tout en faisant le DJ Roxy sur Neal Street, Covent Garden, donne-vous un créneau lucratif pour le marché. Entre les groupes, il passe tous ces trucs reggae soporifiques. Mais comme tous les punks présents sont sous speed, ce n'est pas bon du tout. Il invite donc ses potes Rasta à venir jouer au club et à rouler des joints pour les jeunes blancs, afin qu'ils se calment pendant ses prestations. Cela change tout, et les fondateurs du Roxy, Andrew Chesovsky, Sue Carrington et Barry Jones, sont plus qu'heureux de voir comment les choses se déroulent dans leur nouveau lieu punk. Me down. Le Roxy a ouvert dans un ancien club gay appelé Chagaramas. Avec des banquettes, des miroirs au mur, une scène et une piste de danse en sous-sol, cela permet de s'exprimer dans la parfaite intimité dont a besoin la scène punk bourgeonnante. Rapidement lassé des thèmes de destruction et de chaos ayant motivé la vague punk des débuts, les Slits se nourrissent copieusement des sons de Don et passent beaucoup de soirées chez lui à Forest Hill dans un nuage de ganja, refaisant le monde en écoutant du dub, se dit Tessa. Une fois avec Harry et Chrissy Hynde, on est resté enfermé dans une chambre à l'étage durant des heures, nous semblait-il. Je me demande encore pourquoi. Il se passait des choses étranges à Forest Hills. Personne ne veut quitter le Roxy à la fin de la soirée. Et ça semble logique d'aller continuer de faire la fête chez Don, là où se poursuit la découverte du reggae. Tessa, nous baignons dans le reggae, c'était simplement plus intéressant que la musique punk au fond. Les titres que j'écoutais à l'époque sont toujours ceux que je préfère aujourd'hui. Right now, brother Ira, what the man are you up to this Ira? Why you want to see Iman? I think you go take in a movie, you know, Jason. Wait, you mean the same one the book and the preacher upon the hour of you? Yeah, I'm on use of the movie there. Sure, I use of the movie there, man, may I tell it bad. But yeah, man, it will rain for the I'm on forward upon the Brooklyn and the New York there. I'm going to take it in, may I tell you. Sure. What? I'm on gone here, sir. All right, I'm going to take it in. All right. Now, when the drama can't breathe, I'm going to take sellers, I'm going to take you. The scene is way out in easy with school and sweaters, I will tell it to you. Well, brothers and sisters. Killing about international movie on the scene called The Buck and the Preacher Man. Kind of man you got to understand, as I would say. So you gotta see the show, if you gotta stay in the back row, as I would tell the song called The Buck and the Preacher. Baby, really gotta make the scene if you gotta sit in the bleacher like I tell it to you. Until you bunk on the bleacher. I'ma see you bunk on the bleacher. I'm rather buck within your key. I'm the preacher with ting dong dong, ting a ling ting a ling. You hear the children sing, ting a ling ting a ling. Till you mount the national movie, call back on the quick you want to see. BBC, you got the key, no be no jello, be no wheelie, don't know with the scene with my, we call the Gino, we leave, you're not the key. So BB got to take in the movie manner, that's for sure. Gotta pay your waiting people coming through the door. That will give a little bit more. A movie called A Bunk on the Preacher Man. See, a bunk, a bunk was very lucky, you know. Any luck or good luck. Tell him about the brother called Bunk on the Preacher Man. See, a bunk on the preacher. See, the children, a bunk on the preacher. Said a bunk on with a monkey. And then a buckle with him gone. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Ting-a-ling, ting-a-ling. It's kind of movie that I will bring and I will tell you. Come and throw your meek away, you got to swing along and I will tell you. A bunk on the preacher man. Star with international movie star like Singapore tier when I was Belafonte. Got to make you see. C'est pour cette raison que je me suis inscrit au salon scientifique en CM2. J'ai construit une fusée de 3 étages avec du bois et de l'acier galvanisé. Elle ne fonctionnait pas, c'était juste mon idée de ce à quoi ressemblait l'intérieur d'un vaisseau spatial, basé sur tous les films de science-fiction et les sujets que j'avais vus. Elle était ouverte en son milieu, comme une coupe transversale, pour que tout le monde puisse regarder à l'intérieur et voir les commandes, les sièges et les quartiers d'habitation. Mon père m'a aidé, mais j'étais le capitaine et le projet a obtenu le premier prix. Pour la kermesse de 6e, j'ai construit un système de télégraphe qui fonctionnait avec des câbles, un écouteur et 2 grandes piles Eveready. Le télégraphe était associé à un train électrique miniature destiné à le rendre plus impressionnant. Ce projet a lui aussi remporté le premier prix. Banana, now I'm a cop for CIA, for the USA. Baby, baby, never look good. Baby, baby. Tout cela rendait mes parents très heureux et me faisait pardonner des autres problèmes que je pouvais avoir. Ils savaient que j'avais des possibilités, mais elles ne s'exprimaient pas toujours comme ils l'auraient aimé. Je n'avais pas grand-chose à faire de l'histoire parce qu'à mon avis, c'était pour les gens qui vivaient dans le passé. J'étais plus préoccupé par le présent. Les maths étaient l'une des matières que j'aimais le moins. Je connaissais les bases et pour moi, c'était suffisant. Je pouvais calculer la monnaie qu'on devait me rendre quand j'achetais des bonbons et je ne pensais pas qu'un jour viendrait où j'aurais besoin d'utiliser un polynôme. Parfois, je n'avais même pas besoin de m'inquiéter de combien coûtait une barre de chocolat Hershey parce que je la volais. On habitait environ 10 pâtés de maison de PS217. Le matin, en allant à l'école à pied, je m'arrêtais généralement au magasin de bonbons de Maudie et Eddie. Je faisais glisser quelque chose de petit d'une étagère dans ma poche et je ressortais. Jusqu'à ce qu'un jour, à environ 3 pas de la porte, juste à côté de la pile de journaux, Maudie m'attrape par le poignet. Sa main avait la puissance d'un étau, probablement parce qu'il avait passé des années à transporter des boîtes et à remplir des étagères. Je savais que, quoi qu'il arrive, Maudie n'allait pas me laisser filer. Je lui ai donc donné un coup de poing dans l'estomac et je suis sorti du magasin en courant. J'ai décidé de ne plus jamais remettre les pieds dans cette boutique, mais seulement pour éviter Maudie. Mon erreur a été de me faire prendre. Je voyais tout le temps d'autres gamins voler des bonbons, donc je pensais que ça n'était pas un problème. We'll be right back. Un jour en classe, mon ami Sandy Stock et moi, on a attendu que le professeur tourne le dos et on l'a touché en plein dans le mille, avec deux boulettes de papier roulées dans de la salive. Le prof s'est retourné très rapidement, mais on a été encore plus rapide. On a recommencé quelques fois, jusqu'à ce qu'il feinte et nous prenne sur le fait. J'étais le chef des fauteurs de troubles, il a donc commencé à me crier dessus devant toute la classe. Je pensais qu'il allait se calmer au bout d'environ une minute, mais il a crié de plus en plus fort, s'est dirigé droit vers mon pupitre et a collé son visage contre le mien. Je me suis senti agressé et donc je lui ai donné un coup de poing à l'estomac comme un maudit. Vous êtes toujours bien sur le 100 FM Radioactive avec Lost in Space en ce dimanche soir. On continue après les Ramones avec une autre séquence musicale entrecoupée d'une nouvelle lecture de Polar. C'est cette fois-ci Perfidia de James Ellroy. All upon the next year's lottery. I think my will is good. Le bruit d'une clé tournant dans une serrure le fait sursauter. Il se rend dans le salon. Mariko a son haleine chargée des fins de matinée. Il lui dit « Bonjour mère ». Elle lui répond en japonais, la bouche pâteuse. Il s'incline et tente de lui prendre la main. Elle se dérobe et lui brandit un magazine sous le nez. Une feuille de chou, votre future épouse. Choisissez une jeune femme d'après photo et faites-la venir en Amérique. On vous l'envoie depuis le Japon. Le prix comprend la traversée en bateau d'une valeur de $500. Toutes les futures épouses sont garanties fertiles et dociles. Je vous l'ai dit, mère, je n'ai pas l'intention d'épouser une gamine de 15 ans qu'on vient de sortir d'un bordel. Tu es trop vieux pour rester célibataire. Les voisins commencent à avoir des soupçons. Les voisins, je m'en moque. Akira est célibataire comme moi, pourquoi ne le harcelez-vous pas lui aussi ? Mariko continue en pidgin English. Elle l'a appris dans les camps de poseurs de rails vers 1905. Elle fait exprès de parler ce sabir pour abaisser son fils et son éducation universitaire. Exprimez-vous en bon anglais, mère. Cela fait 36 ans que vous vivez ici. Mariko se laisse choir sur le canapé. Franklin Déloyal Rosenfeld se couche devant le ministre japonais Shigeto Togo. La capitulation des États-Unis devant la Chine est imminente, affirme Chiang Kai-shek. Cela fait rire Rachida. Vos notions de géopolitique sont très confuses, mère. Je vous demanderai bien de citer vos sources, mais je redoute précisément que vous me les citiez. Mariko glousse. Le père Coughlin, le Front chrétien, et Gérard Elka Smith, il a dit « On ne fera pas la guerre pour les banquiers juifs ». Et puis Lucky Lindy Ichiban, il a traversé l'Atlantique en solitaire. Maintenant, il peut atterrir au pied de Hirohito. Ça suffit. Ashida se rend dans la cuisine. La bouteille de bourbon Hiram Walker Ten Eye est posée près de l'égouttoir. Ashida en verse une double dose dans un verre qu'il apporte à Mariko. Elle l'avale en une seule fois et glousse de nouveau. Elle tapote le canapé. Il s'assied. God, I know that it's wrong to kill my loved one. He has done. And as a place like in the sky, it sounds like heaven is falling. It sounds like heaven is falling. You promised me a new day of dawning. I see a thousand points of light, like so many points of hatred, shame and horror. Like in the sky, it sounds like heaven is falling. It sounds like heaven is falling. You promised me a new day of dawning. Well, nothing here looks new to me. What a score of mother's sons between the devil and the deep blue sea. Dites-moi quelque chose de sensé. Faites comme si j'étais Akira et que nous devions parler affaires. Bénéfice fermier plus 16% trimestre dernier. Comptable juif pense possible trouver moyen déduire pot de vin, capitaine Madrano. Il dit soins et nourriture clandestins, mexicain, bonne déduction. Ashida lui tapote le bras. Et la syntaxe, mère, vous oubliez les articles. Vous les omettez toujours quand vous avez bu. Mariko lui plante son index dans le bras. Et comme ça, c'est mieux. J'ai lu un article sur Bucky Blaisher dans le Herald. Il dit que Bucky a un combat à disputer bientôt, mais il ne dit pas que l'ami de mon fils est une mauviette qui affronte seulement les tocards qu'il est capable de battre. Il ne dit pas que mon fils pense que sa maman appartient à la cinquième colonne, mais le papa de Bucky appartient à la cinquième colonne parce qu'il est membre du Bund. Un coup en traître. Elle est ivre, elle fait l'idiote, elle vise bas. Ne parlez pas de Bucky de cette façon, mère, vous savez que ce n'est pas vrai. Bucky, poule mouillée, pas courage, combat mexicain, papa au boon de Bucky, mauviette. Ashida se lève et renverse un lampadaire. Mariko pose deux doigts sur ses lèvres et langue zig heil, Ashida fonce vers sa chambre et claque la porte derrière lui. Il fait trop chaud dans la chambre à présent, la chaleur altère ses produits chimiques et provoque des émanations. Il met le ventileur en marche et appelle sans attendre la permanence de la répression des vols. Strength of his charm. Après trois sonneries, il entend « Ici Mix, j'écoute Hideo Ashida, sergent. » Ouais, et vous êtes toujours sur la brèche, vu l'heure qu'il est. Vous m'appelez pour m'apprendre du nouveau ? Oui, c'est ça. Mix tous. Alors, dites-le moi parce que je vous écoute. Les fibres trouvées sur le présentoir sont identiques à celles du brassard. C'est exactement le même tissu. Il est donc très probable qu'elles proviennent d'un brassard de l'armée. Ça pourrait être ou non le même brassard porté par le même homme, mais de toute façon, c'est bien le même tissu et la chronologie des deux crimes fait du violeur un suspect pour le vol à main armée. Mix siffle. Bon, je crois que je devrais en informer Dudley Smith. Il verra ce que Jack O'Roll décide de faire. Que voulez-vous dire ? Demande Ashida. Eh bien, vous avez découvert le lien entre le viol et l'attaque à main armée et la probabilité qu'un type dangereux appartenant à l'armée américaine se défoule dans cette ville. Il me semble que le bonhomme ne va pas en rester là et qu'il doit mijoter une autre saloperie. On pourrait se faire bien voir de l'armée si on l'en empêchait avant que ça ne se termine devant la cour martiale. Ashida avale sa salive, ou par un procès civil. Vous avez compris, mon petit, Madame Ashida a élevé des enfants intelligents. Ashida en lâche le combiné, les échos de la permanence sont renvoyés par le plancher. C'est lui qui a choisi cet univers viril, il en apprend les coutumes et les codes, c'est terriblement excitant. And watch you fall. It feels good just to bitch about it. Scratch that itch until it bleeds. But I don't really want to lose it. I can play the siren game. Silence follows. You never say what's on your mind. If you like to see me so defensive, I'll know I've made another enemy. Nobody wants another mirror on their field. I guess that's all you are to me. But I don't really want to lose this. Does it all depend on you? It's always personal between us. You won't say what's on your mind. Never ending. crazy. Yeah. J'ai commencé ce journal intime sur un coup de tête. Une scène extraordinaire s'est déroulée sous mes yeux alors que je me trouvais sur la terrasse de ma chambre. Je faisais un croquis de la vue qu'offre le balcon sur la partie sud de la ville lorsque j'ai entendu le grondement des véhicules qui descendaient le strip. Aussitôt, je me suis levé pour noter précisément l'heure et la date. Je pressentais ce qu'annonçait ce vacarme et je ne me trompais pas. Une colonne de véhicules blindés progressait bruyamment sur Sunset, sous le regard et les applaudissements fiévreux des badauds. Il a fallu 10 bonnes minutes à cette armada pour disparaître. Le vacarme était énorme, les acclamations n'étaient plus encore. Les gens arrêtaient leurs voitures et en sortaient pour saluer les jeunes soldats. Cela semait une pagaille considérable dans la circulation, mais personne ne semblait s'en soucier. Les soldats étaient ravis de ces manifestations de respect et d'affection. Ils adressaient à la foule des signes de la main, ils lui envoyaient des baisers. Une demi-douzaine de serveuses du bar Davis Blue Room sont sorties en courant pour leur donner des cartons de bouteilles d'alcool. Quelqu'un criait « L'Amérique !» et c'est à ce moment que j'ai compris. La guerre approche, je vais m'engager.